Chapitre 5. Tableau des mœurs et de la vie religieuse. Moines, coptes, maronites, etc. Venons maintenant au tableau de la vie religieuse et posons d'abord un principe. Partout où se trouve beaucoup de mystère, de solitude, de contemplation, de silence, beaucoup de pensées de Dieu, beaucoup de choses vénérables dans les costumes, les usages et les mœurs, là se doit trouver une abondance de toutes les sortes de beauté. Si cette observation est juste, on va voir qu'elle s'applique merveilleusement au sujet que nous traitons. Remontons encore aux solitaires de la Thébaïde. Ils habitaient des cellules appelées l'or et portaient, comme leur fondateur, Paul, des robes de feuilles de palmier. D'autres étaient vêtus de cilice, tissu de poils de gazelle. Quelques-uns, comme le solitaire Zénon, jetaient seulement sur leurs épaules la dépouille des bêtes sauvages. Et l'anachorète Séraphion marchait, enveloppé du linceul qui devait le couvrir dans la tombe. Les religieux maronites, dans les solitudes du Liban, les ermites nestoriens répandus le long du Tigre, ceux d'Abyssinie, aux cataractes du Nil et sur les rivages de la mer Rouge, tous, enfin, mènent une vie aussi extraordinaire que les déserts où ils l'ont cachée. Le moine copte, en entrant dans son monastère, renonce au plaisir, consomme son temps en travail, en jeûne, en prière, et à la pratique de l'hospitalité. Il couche sur la dure, dort à peine quelques instants, se relève et, sous le beau firmament d'Égypte, fait entendre sa voix parmi les débris de Thèbes et de Memphis. Tantôt, l'écho des pyramides redit aux ombres des pharaons les cantiques de cet enfant de la famille de Joseph. Tantôt, ce pieux solitaire chante au matin les louanges du vrai soleil, au même lieu où des statues harmonieuses soupiraient le réveil de l'aurore. C'est là qu'il cherche l'Européen égaré à la poursuite de ses ruines fameuses. C'est là que, le sauvant de l'Arabe, il l'enlève dans sa tour et prodigue à cet inconnu la nourriture qu'il se refuse à lui-même. Les savants vont bien visiter les débris de l'Égypte, mais d'où vient que, comme les moines chrétiens, objet de leur mépris, ils ne vont pas s'établir dans ces mers de sable, au milieu de toutes les privations, pour donner un verre d'eau aux voyageurs et l'arracher au cimetière du Bédouin. Dieu des chrétiens, quelle chose n'as-tu point faite? Partout où l'on tourne les yeux, on ne voit que les monuments de tes bienfaits. Dans les quatre parties du monde, la religion a distribué ses milices et placé ses vedettes pour l'humanité. Le moine maronite appelle, par le claquement de deux planches suspendues à la cime d'un arbre, l'étranger que la nuit a surpris dans les précipices du Liban. Ce pauvre et ignorant artiste n'a pas de plus riche moyen de se faire entendre. Le moine abyssinien vous attend dans ce bois, au milieu des tigres. Le missionnaire américain veille à votre conservation dans ces immenses forêts. Jeté par un naufrage sur des côtes inconnues, tout à coup vous apercevez une croix sur un rocher. Malheur à vous si ce signe de salut ne fait pas couler vos larmes. Vous êtes en pays d'amis. Ici, ce sont des chrétiens. Vous êtes français, il est vrai, et ils sont espagnols, allemands, anglais, peut-être. Et qu'importe, n'êtes-vous pas de la grande famille de Jésus-Christ? Ces étrangers vous reconnaîtront pour frère. C'est vous qu'ils invitent par cette croix. Ils ne vous ont jamais vu, et cependant ils pleurent de joie en vous voyant sauvé du désert. Mais le voyageur des Alpes n'est qu'au milieu de sa course. La nuit approche, les neiges tombent. Seul, tremblant, égaré, il fait quelques pas et se perd sans retour. C'en est fait, la nuit est venue. Arrêté au bord d'un précipice, il n'ose ni avancer ni retourner en arrière. Bientôt le froid le pénètre, ses membres s'engourdissent, un funeste sommeil cherche ses yeux, ses dernières pensées sont pour ses enfants et son épouse. Mais n'est-ce pas le son d'une cloche qui frappe son oreille à travers le murmure de la tempête? Ou bien est-ce le glas de la mort que son imagination effrayée croit ouïr au milieu des vents? Non, ce sont des sons réels, mais inutiles, car les pieds de ce voyageur refusent maintenant de le porter. Un autre bruit se fait entendre. Un chien jappe sur les neiges. Il approche, il arrive, il hurle de joie, un solitaire le suit. Ce n'était donc pas assez d'avoir mille fois exposé sa vie pour sauver des hommes et de s'être établi pour jamais au fond des plus affreuses solitudes. Il fallait encore que les animaux mêmes apprissent à devenir l'instrument de ces œuvres sublimes, qu'ils s'embarrassent, pour ainsi dire, de l'ardente charité de leur maître et que leurs cris sur le sommet des Alpes proclamassent aux échos les miracles de notre religion. Qu'on ne dise pas que l'humanité seule puisse conduire à de tels actes, car d'où vient qu'on ne trouve rien de pareil dans cette belle antiquité, pourtant si sensible? On parle de la philanthropie, c'est la religion chrétienne qui est seule philanthrope par excellence. Immense et sublime idée qui fait du chrétien de la Chine un ami du chrétien de la France, du sauvage néophyte un frère du moine égyptien. Nous ne sommes plus étrangers sur la terre, nous ne pouvons plus nous y égarer. Jésus-Christ nous a rendu l'héritage que le péché d'Adam nous avait ravi. Chrétien, il n'est plus d'océan ou de déserts inconnus pour toi. Tu trouveras partout la cabane de tes aïeux et la cabane de ton père. Chapitre 6. Trappiste, chartreux, sœur de Sainte-Claire, père de la rédemption, missionnaire, fille de la charité, etc. Telles sont les mœurs et les coutumes de quelques-uns des ordres religieux de la vie contemplative. Mais ces choses, néanmoins, ne sont si belles que parce qu'elles sont unies aux méditations et aux prières. Ôtez le nom et la présence de Dieu de tout cela, et le charme est presque détruit. Voulez-vous maintenant vous transporter à la trappe et contempler ces moines vêtus d'un sac qui bêchent leur tombe? Voulez-vous les voir errer comme des ombres dans cette grande forêt de Mortagne et au bord de cet étang solitaire? Le silence marche à leur côté, ou s'ils se parlent quand ils se rencontrent, c'est pour se dire seulement « Frère, il faut mourir ». Ces ordres rigoureux du christianisme étaient des écoles de morale en action. Institués au milieu des plaisirs du siècle, ils offraient sans cesse des modèles de pénitence et de grands exemples de la misère humaine aux yeux du vice et de la prospérité. Quel spectacle que celui du trappiste mourant! Quelle sorte de haute philosophie! Quel avertissement pour les hommes! Étendu sur un peu de paille et de cendre dans le sanctuaire de l'église, ses frères, rangés en silence autour de lui, il les appelle à la vertu, tandis que la cloche funèbre sonne ses dernières agonies. Ce sont ordinairement les vivants qui engagent l'infirme à quitter courageusement la vie. Mais ici, c'est une chose plus sublime, c'est le mourant qui parle de la mort. Aux portes de l'éternité, il la doit mieux connaître qu'un autre, et d'une voix qui résonne déjà entre des ossements. Il appelle avec autorité ses compagnons, ses supérieurs même, à la pénitence. Qui ne frémirait en voyant ce religieux qui vécut d'une manière si sainte, douter encore de son salut à l'approche du passage terrible? Le christianisme a tiré du fond du sépulcre toutes les moralités qu'il renferme. C'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. Si l'homme, tel qu'il est aujourd'hui après sa chute, fût demeuré immortel, peut-être n'eût-il jamais connu la vertu. Ainsi s'offrent de toutes parts dans la religion les scènes les plus instructives ou les plus attachantes. Là, de saints muets, comme un peuple enchanté par un philtre, accomplissent sans parole les travaux des moissons et des vendanges. Ici, les filles de Claire foulent de leurs pieds nus les tombes glacées de leurs cloîtres. Ne croyez pas toutefois qu'elles soient malheureuses au milieu de leurs austérités. Leurs cœurs sont purs et leurs yeux tournés vers le ciel en signe de désir et d'espérance. Une robe de laine grise est préférable à des habits somptueux achetés au prix des vertus. Le pain de la charité est plus sain que celui de la prostitution. Et de combien de chagrin ce simple voile baissé entre ses filles et le monde ne les sépare-t-il pas? En vérité, nous sentons qu'il nous faudrait un tout autre talent que le nôtre pour nous tirer dignement des objets qui se présentent à nos yeux. Le plus bel éloge que nous pourrions faire de la vie monastique serait de présenter le catalogue des travaux auxquels elle s'est consacrée. La religion, laissant à notre cœur le soin de nos joies, ne s'est occupée, comme une tendre mère, que du soulagement de nos douleurs. Mais, dans cette œuvre immense et difficile, elle a appelé tous ses fils et toutes ses filles à son secours. Aux uns, elle a confié le soin de nos maladies, comme à cette multitude de religieuses et de religieuses dévouées au service des hôpitaux. Aux autres, elle a délégué les pauvres, comme aux sœurs de la charité. Le Père de la Rédemption s'embarque à Marseille. Où va-t-il, seul ainsi, avec son bréviaire et son bâton ? Ce conquérant marche à la délivrance de l'humanité, et les armées qui l'accompagnent sont invisibles. La bourse de la charité à la main, il court affronter la peste, le martyr et l'esclavage. Il aborde le dey d'Alger, il lui parle au nom de ce roi céleste dont il est l'ambassadeur. Le barbare s'étonne à la vue de cet Européen qui ose seul, à travers les mers et les orages, venir lui redemander des captifs. Dompté par une force inconnue, il accepte l'or qu'on lui présente. Et l'héroïque libérateur, satisfait d'avoir rendu des malheureux à leur patrie, obscur et ignoré, reprend humblement à pied le chemin de son monastère. Partout, c'est le même spectacle. Le missionnaire qui part pour la Chine rencontre au port le missionnaire qui revient, glorieux et mutilé, du Canada. La sœur grise court administrer l'indigent dans sa chaumière. Le père capucin vole à l'incendie. Le frère hospitalier lave les pieds du voyageur. Le frère du bien mourir console l'agonisant sur sa couche. Le frère en terreur porte le corps du pauvre décédé. La sœur de la charité monte au 7e étage pour prodiguer l'or, le vêtement et l'espérance. Ses filles, si justement appelées filles Dieu, portent et reportent çà et là les bouillons, la charpie, les remèdes. La fille du bon pasteur tend les bras à la fille prostituée. Il lui crie « Je ne suis point venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. » L'orphelin trouve un père, l'insensé un médecin, l'ignorant un instructeur. Tous ces ouvriers en œuvre céleste se précipitent, s'animent les uns les autres. Cependant, la religion, attentive et tenant une couronne immortelle, leur crie « Courage, mes enfants, courage, hâtez-vous, soyez plus prompts que les maux dans la carrière de la vie. Méritez cette couronne que je vous prépare, elle vous mettra vous-même à l'abri de tout maux et de tout besoin. » Au milieu de tant de tableaux qui mériteraient chacun des volumes de détails et de louanges, sur quelle scène particulière arrêterons-nous nos regards ? Nous avons déjà parlé de ces hôtelleries que la religion a placées dans les solitudes des quatre parties du monde. Fixons donc à présent les yeux sur des objets d'une autre sorte. Il y a des gens pour qui le seul nom de capucin est un objet de risée. Quoi qu'il en soit, un religieux de l'ordre de Saint-François était souvent un personnage noble et simple. Qui de nous n'a vu un couple de ces hommes vénérables voyageant dans les campagnes, ordinairement vers la fête des morts, à l'approche de l'hiver, au temps de la quête des vignes. Ils s'en allaient, demandant l'hospitalité dans les vieux châteaux sur leur route. À l'entrée de la nuit, les deux pèlerins arrivaient chez le châtelain solitaire. Ils montaient un antique perron, mettaient leurs longs bâtons et leurs besaces derrière la porte, frappaient au portique sonore et demandaient l'hospitalité. Si le maître refusait ses hôtes du Seigneur, ils faisaient un profond salut, se retiraient en silence, reprenaient leurs besaces et leurs bâtons, et, secouant la poussière de leurs sandales, ils s'en allaient, à travers la nuit, chercher la cabane du laboureur. Si, au contraire, ils étaient reçus, après qu'on leur avait donné à laver, à la façon des temps de Jacob et d'Homère, ils venaient s'asseoir au foyer hospitalier. Comme aux siècles antiques, afin de se rendre les maîtres favorables, et parce que, comme Jésus-Christ, ils aimaient aussi les enfants, ils commençaient par caresser ceux de la maison. Ils leur présentaient des reliques et des images. Les enfants, qui s'étaient d'abord enfuis, tout effrayé, bientôt attiré par ces merveilles, se familiarisait jusqu'à se jouer entre les genoux des bons religieux. Le père et la mère, avec un sourire d'attendrissement, regardaient ces scènes naïves et l'intéressant contraste de la gracieuse jeunesse de leurs enfants et de la vieillesse chenue de leurs hôtes. Or, la pluie et le coup de vent des morts battaient au dehors les bois dépouillés, les cheminées, les créneaux du château gothique. La chouette criait sur ses fêtes. Auprès d'un large foyer, la famille se mettait à table. Le repas était cordial et les manières affectueuses. La jeune demoiselle du lieu interrogeait timidement ses hôtes, qui louaient gravement sa beauté et sa modestie. Les bons pères entretenaient la famille par leurs agréables propos. Ils racontaient quelques histoires bien touchantes, car ils avaient toujours appris des choses remarquables dans leur mission lointaine, chez les sauvages de l'Amérique ou chez les peuples de la Tartarie. À la longue barbe de ses pères, à leur robe de l'antique Orient, à la manière dont ils étaient venus demander l'hospitalité, on se rappelait ces temps où les Thalès et les Anacharsis voyageaient ainsi dans l'Asie et dans la Grèce. Après le souper du château, la dame appelait ses serviteurs et l'on invitait un des pères à faire en commun la prière accoutumée. Ensuite, les deux religieux se retiraient à leur couche, en souhaitant toutes sortes de prospérités à leurs hôtes. Le lendemain, on cherchait les vieux voyageurs, mais ils s'étaient évanouis, comme ces saintes apparitions qui visitent quelquefois l'homme de bien dans sa demeure. Était-il quelque chose qui pût briser l'âme, quelque commission dont les hommes ennemis des larmes n'osassent se charger, de peur de compromettre leur plaisir? C'était aux enfants du cloître qu'elle était aussitôt dévolue, et surtout au père de l'ordre de Saint-François. On supposait que des hommes qui s'étaient voués à la misère devaient être naturellement les héros du malheur. L'un était obligé d'aller porter à une famille la nouvelle de la perte de sa fortune, l'autre de lui apprendre le trépas de son fils unique. Le grand Bourdaloue remplit lui-même ce triste devoir. Il se présentait en silence à la porte du père, croisait les mains sur sa poitrine, s'inclinait profondément et se retirait muet comme la mort dont il était l'interprète. Croit-on qu'il y eut beaucoup de plaisir? Nous entendrons de ces plaisirs à la façon du monde. Croit-on qu'il fût fort doux pour un cordelier, un carme, un franciscain, d'aller au milieu des prisons annoncer la sentence au criminel, l'écouter, le consoler, et avoir pendant des journées entières l'âme transpercée des scènes les plus déchirantes? On a vu dans ces actes de dévouement la sueur tomber à grosses gouttes du front de ces compatissants religieux et mouiller ce froc qu'elle a pour toujours rendu sacré, en dépit des sarcasmes de la philosophie. Et pourtant, quel honneur, quel profit revenait-il à ces moines de tant de sacrifices, sinon la dérision du monde et les injures même des prisonniers qu'ils consolaient? Mais du moins, les hommes, tout ingrats qu'ils sont, avaient confessé leur nullité dans ces grandes rencontres de la vie, puisqu'ils les avaient abandonnés à la religion, seul véritable secours au dernier degré du malheur. Ô apôtres de Jésus-Christ, de quelle catastrophe n'étiez-vous point témoin, vous qui près du bourreau ne craignez point de vous couvrir du sang des misérables, et qui étiez leur dernier ami? Voici un des plus hauts spectacles de la terre. Aux deux coins de cet échafaud, les deux justices sont en présence, la justice humaine et la justice divine. L'une, implacable et appuyée sur un glaive, est accompagnée du désespoir. L'autre, tenant un voile trempé de pleurs, se montre entre la pitié et l'espérance. L'une a pour ministre un homme de sang, l'autre un homme de paix. L'une condamne, l'autre absout. Innocente ou coupable, la première dit à la victime « Meurs !» La seconde lui crie « Fils de l'innocence ou du repentir, montez au ciel !» Fin du livre troisième.